Radiomatic. Transmission 3-2-2 d'Audiomatic s'ouvrait sur la pièce Glass Candle Grenades de la formation Cocteau Twins, pièce apparaissant sur le deuxième album Head Over Heels, paru en 1983. Comme tout bon début aura une fin, voici la suite d'Audiomatic. Yeah.

I've touched down at last. There's nothing more than tiny bits of ash. Nous vous présentions en conclusion de ce segment musical à Audiomatique le groupe américain X-Ray Press et sa chanson Everyone, This is the End and Everybody's Okay, extraite de leur album UVB76 paru en 2011. Précédemment à X-Ray Press, il s'agissait du Montréalais Ben Chemi, mieux connu en tant que chanteur de la formation Soons. De son deuxième album solo intitulé A Single Point of Light, nous entendions la chanson Change. Et pour amorcer ce bloc, le groupe new-yorkais Violence nous interprétait la pièce Another Strike Restrained de leur deuxième album Amoral, sorti en 2010. Allons-y maintenant avec une pièce du plus récent album de Banco de Gaia. Audiomatique, nous entendions le toujours actif Sonora Orchestra, aujourd'hui dirigé par le saxophoniste Marshall Allen, qui nous offrait une reprise contemporaine de la composition Angels and Demons at Play, apparaissant sur l'album du même nom sorti en 1967. Cette reprise, quant à elle, se retrouve sur le tout nouvel album studio du Sonora Orchestra intitulé Swirling, sur lequel l'orchestre revisite plusieurs classiques de Sonora. Depuis la mort de Sonora en 1993, c'est Marshall Allen qui a rejoint l'orchestre à la fin des années 50 et qui le conduit encore aujourd'hui du haut de ses 96 ans. Avant le Sonora Orchestra, nous écoutions une pièce du projet Banco de Gaia mené par Toby Marks depuis le début des années 90. De son plus récent album intitulé The Ninth of the Nine Arts, paru en 2016, nous vous présentions la pièce Le Foucault. À Audiomatique, les sonoristes vous offrent à entendre l'artiste américain Matthew Dear. C'est la formation américaine The Phenomenal Hand Clap Band qui concluait ce bloc musical à Audiomatique. de son album simplement intitulé Remixes, nous écoutions la pièce Baby, remixée par Virgil Howe. La version originale de cette chanson est parue sur l'album homonyme du groupe et a été lancée en 2009. Tout juste avant, c'était la chanteuse danoise Agnès Obel et sa composition Cameras Rolling, que l'on peut retrouver sur son quatrième album Myopia, sorti en février 2020. Et c'est Matthew Dear qui ouvrait le bal avec sa chanson Shake Me de son cinquième album Beams, paru en 2012. Pour finir cette transmission d'audiomatique, nous écouterons le projet Delirium mené par Rhys Fulber et Bill Leeb, connus bien sûr pour être les musiciens derrière la formation Frontline Assembly. La pièce que nous avons sélectionnée, intitulée Resurrection, se retrouve sur l'album Semantic Spaces, paru en 1994. C'est un album aussi qui a marqué un tournant dans la démarche musicale de Delirium vers des sonorités plus accessibles. Nous ne savons jamais à quel moment le temps aura le dessus sur nous. Alors nous ne pouvons que spéculer que la transmission 3-2-3 d'Audiomatic sera présentée mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Cependant, une chose est sûre, c'est que nos anciennes émissions sont bel et bien disponibles en écoute sur nos plateformes, comme entre autres facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Il n'en tient qu'à vous d'avoir la curiosité de les découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voici donc pour terminer Delirium et la pièce Resurrection. C'était Audiomatic avec les sonoristes.